Regarde donc un peu les filles. Allez, ah, si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut à toutes et à tous, c'est Eric, bienvenue sur RIG et dans l'émission Johnny de A à Z tous les mercredis, en principe, de 22h jusqu'à minuit, voire quelques fois plus, mais faut pas le dire, faut pas le répéter, sinon je vais me faire tirer l'oreille du moins. Comment allez-vous tous? Eh bien écoutez, moi ça va plutôt bien, et puis ce soir je suis très heureux car pour la dernière émission de l'année 2018, j'ai l'honneur de recevoir Jean-François Chenu dans les studios. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Ah, tu vois, ça change un peu hein, que de se voir en dehors des studios. De faire une petite interview en différé, ça fait plaisir. Un vrai direct. Un vrai direct, tout pour à fait. Pour la dernière de l'année. Ben voilà, le petit cadeau de Noël pour nous tous, et voilà, et pour moi. Hein. Et puis après avoir fait RTL avec Georges Lang, voilà enfin Jean-François sur RIG. Un grand moment. Je pense bien. Bon, on en parlera sûrement au cours de cette émission. Donc Jean-François, biographe, Johnny Hallyday, consultant du back catalogue Johnny Hallyday chez Universal. Entre autres, hein, on va parler musique, hein, surtout. Et ce soir, tu viens nous présenter, déjà, on en parle tout à la compilation, le concert de sa vie, Johnny Hallyday. Et puis aussi, en même temps, tu es venu nous présenter ta petite playlist, hein, une série de chansons que tu aimes et que, et dont tu nous parleras. Difficile de faire un choix dans l'œuvre de Johnny, mais ça, on a essayé de trouver quelques titres qui sont pas forcément ceux qu'on entend toujours déjà. Bah oui. Et voilà, que j'aime bien. Mais voilà, ben on en parlera. De toute façon, tu es là pour en parler. Ouais. Et puis on va rappeler que pour les fêtes de Noël, hein, si vous n'avez pas encore une idée de cadeau à offrir à quelqu'un, à un proche, à un ami, à votre fiancé, à votre mari, il y a toujours dans les librairies le livre de Jean-François Chenu, 60 ans de passion et de scène. Voilà, j'ai dit à l'envers. Oui, de scène et de passion. Voilà. Ça c'est édité chez Flammarion. Voilà, de chez Flammarion. Et puis aussi on a le concert de sa vie, Johnny Hallyday, qui est sorti le 14 décembre. Ouais. Et si on passait tout de suite à la premier titre que tu nous a proposé, Jean-François? Écoute, c'est un blues, ouais. Qui n'est pas un blues forcément très connu, qui était sur un album qui s'appelle Johnny Chante Hallyday, qui est sorti en 1965. Le titre s'appelle Toi qui t'en vas. J'ai toujours aimé cette chanson, parce que d'abord c'est un univers que Johnny affectionne, qui est l'univers carcéral, et je trouve qu'il chante merveilleusement cette chanson de ce type qui est en tôle et qui voit son copain de tôle partir, et il lui dit, si jamais tu vois ma mère, dis-lui que tout va bien. En fait, évidemment, on sent bien que tout ne va pas bien, mais donc il s'en va. Et je trouve que c'est sur cet album qui n'a pas du tout marché, il faut le dire, c'est le meilleur titre de l'album, je trouve. Et on écoute ça tout de suite. Vous le connaissez, vos auditeurs auditrices de RIG, vous le connaissez. Toi qui t'en vas, Johnny Hallyday tout de suite, et on revient avec Jean-François Chenu. Aujourd'hui tu t'en vas. Les paroles, c'est fini pour toi. Écoute, j'entends les pas du gardien qui vient par là. J'entends déjà sonner ses clés. À toi la liberté. Tu passes à côté de chez moi. Et ma mère est là. Dis-lui que pour moi ça va. Ouais. Et si tu veux, si tu y penses, embrasse-la pour moi. Rectification, Jean-François. Oui. C'est la version live du Musicorama 1965. 1965 est sorti pour tous les est sorti à l'occasion de la sortie de la collection il y a quelques années, assez récent. Et elle est très bonne la version. De toute façon, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il l'a, c'est la seule fois qu'il l'a chanté en live en fait, la seule version qu'on ait de ce titre. Et c'était très bien. Et ben voilà. Je pensais, je m'en rappelais plus que j'avais mis la version live, c'est pour ça. Je m'en souviens plus. Tu m'as surpris. Et donc là, le prochain titre que nous allons écouter, c'est La Fille, et qui je pense, et là, nous rentrons dans la période que tu aimes. Alors. Une période des années Mickey Jones et Tommy Brown. Voilà, tout à fait. C'est la période qui, c'est les 10 ans que je préfère, c'est 66-76. Oui. Et là, c'est le début de ces 10 années. C'est un album absolument exceptionnel qui s'appelle La Génération Perdue. C'est le début de sa collaboration avec l'oncle Chris. La Fille à qui je pense, c'est une musique de Jacques Revaux, je crois. En tout cas, c'est peut-être le titre. Il y a beaucoup de titres extraordinaires dans cet album. Il y a Noir c'est noir, il y a Génération perdue, il y a Je veux te graver dans ma vie. Et La Fille à qui je pense, qui est une chanson un blues aussi, absolument déchirante, où on sent bien que Johnny vit un moment un peu émouvant, un peu fort dans sa vie. Et son interprétation est tout à fait exceptionnelle. Et il l'a faite aussi dans le Musicorama du Grand Retour, le mois d'octobre 66, où il y avait Jimi Hendrix en première partie. Et là, il l'a chanté live. Voilà, ce titre-là, comme le précédent, a des titres, je regrette qu'il les ait pas fait plus souvent, qu'il les ait pas repris, parce que La Fille à qui je pense, il aurait pu la reprendre à plein de périodes de sa vie, dans plein de spectacles, et je pense que ça aurait fonctionné, mais c'est un très très grand titre. C'est vrai que c'est de Jacques Revaux. C'est Jacques Revaux. Hein. Johnny Hallyday a participé justement à la musique. À la musique, oui. Et Ralph Burnett également sur ce titre-là, aux paroles. Paroles. On l'écoute tout de suite. La Fille à qui je pense, extrait donc de l'album Génération perdue de 1966. S'il fallait te raconter ma vie, on resterait là toute la nuit. Car pour quelques sourires alors, moi j'en ai connu des temps morts. Et malgré l'amour que tu me donnes, tu n'en feras jamais assez. Car c'est l'alcool, lui, qui me donne les plus beaux rêves que je fais. Et dans ces moments-là, la fille à qui je pense, la fille à qui je pense, est plus belle que toi. Plus belle que toi. Je sais bien qu'autour de moi on dit que de jour en jour je me détruis. Sans l'amour qu'elle m'avait donné, ça ne me sert à rien d'exister. Chaque fois ton cœur, lui, me pardonne. Mes amis viennent me consoler, mais c'est l'alcool, lui, qui me donne les plus beaux rêves que je fais. Et dans ces moments-là, la fille à qui je pense, la fille à qui je pense, est plus belle que toi. Plus belle que toi. écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir de 22h à minuit, bien entendu, et l'invité du jour, évidemment, un invité. C'est pas souvent qu'on a des invités à la radio. C'est Jean-François Chenu qui vient nous parler un peu de Johnny Hallyday, de son livre, notamment Johnny 60 ans de scène et de passion. Et puis aussi, on parle du concert de sa vie qui est sorti, car il a collaboré. Il a collaboré aux différents titres qui allaient composer cette fameuse compilation. C'est vrai, je te confie. Travail compliqué et qu'on a fait en très peu de temps. Et en très peu de temps, tout à fait. Oui. Alors par contre, oui. Alors j'ai écouté, c'est toujours les versions faux live du Zénith 84 qu'on a écouté dedans. Oh, mais il y en a pas beaucoup. Hein. Je crois qu'il y en a deux. Mais tu m'as dit, que on allait pencher, Xavier allait se pencher dessus. Ah ben oui, ça c'est, il a pour mission de mettre tout à plat sur ce live. Alors je ne sais pas si tu peux le dire parce qu'on se parle hors antenne, on parle de quelque chose. Après, tu as missionné d'autres personnes aussi à chercher tel ou tel concert des différentes radios que à l'époque ont pu enregistrer. Non, mais en ce moment, c'est vrai qu'on essaye de retrouver Xavier en particulier et puis les gens qui travaillent avec lui. On essaie de retrouver des choses qui sont jamais sorties. Notamment, on sait très bien qu'il y a énormément d'enregistrements dans les radios, principalement Europe 1 et RTL. Donc il y a des accords qui sont passés avec Europe 1 qui vont permettre d'avoir accès à pas mal de choses. Mais j'avais participé à une émission dans les années 80 qui s'appelait Sunday Rock et j'avais assisté à tous les enregistrements. Il se trouve que j'avais trouvé le sponsor de l'émission parce que je travaillais à la régie publicitaire et donc j'étais invité mon client à assister à tous les enregistrements. Donc cette émission a été diffusée, comme son nom l'indique, le dimanche après-midi pendant l'été. C'était animé par Sam Bernett. C'était une émission où il y avait énormément de duos et qui s'est terminée. Enfin, les enregistrements sont terminés au mois de juin par un concert absolument extraordinaire que Johnny a donné devant une centaine de personnes dans le grand studio d'RTL. Un samedi après-midi, il était 14h, on pensait qu'il allait nous faire 30 minutes de live, il a fait 2h30 de concert comme s'il chantait devant 5000 personnes au Zénith. C'était tout à fait exceptionnel et cet enregistrement-là, j'ose imaginer qu'il a été gardé, conservé quelque part, et j'espère qu'on le retrouvera et qu'on pourra en faire quelque chose. Bien sûr. Mais les gens qui cherchent, et là, il y a vraiment du monde qui cherche, c'est très compliqué, c'est pas évident. En plus, la radio a déménagé. RTL a quitté la rue Bayard pour Neuilly. Et donc, forcément, quand vous déménagez, vous avez des choses qui se perdent un peu dans la nature. Donc, je sais pas. Je sais pas si on trouve, mais si on retrouve, ça peut faire un joli document. Mais faut rien promettre, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en ce moment dans ce domaine. Voilà, donc on va encore avoir des surprises. Et sûrement, oui. Enfin, il y en aura de toute façon. On va voir. Dire qu'il y en aura l'année prochaine. Il y en a déjà qui sont en train de se préparer, mais on en reparlera quand ça sortira. Bien sûr. Et tiens, justement, en parlant de surprises pour l'année prochaine, bon, ce n'est plus une surprise maintenant, mais on va avoir la réédition, la remasterisation du disque Johnny 67. Alors oui, il y avait une collection qui s'appelait une collection livre disque qui avait été interrompue suite au malheureux événement qu'on a connu et au décès de Johnny. Cette collection va reprendre et le premier livre disque qui va sortir, il sortira en mars 2019, c'est l'année 67. Donc c'est l'album studio avec un travail qui a été fait aussi sur le son et une nouvelle captation, une nouvelle version de l'Olympia 67. C'est différente de celle qui existe aujourd'hui dans le commerce. Et t'as fait des petites vidéos comme t'as pu faire pour la version de luxe, ouais, Génération Perdue. Sur Génération Perdue, non, c'était pour Génération Perdue. Il y en a pas eu d'autres après. Par contre, j'ai vu le livret qui est très très beau. Il y a beaucoup de très très belles photos. Il y a un travail formidable qui a été fait à ce niveau-là. Et donc ça va faire un beau produit, un très très beau produit. Ce qui est dommage, c'est que sur cette époque-là, sur 67, il y a très peu d'images. On n'a pas d'images, beaucoup d'images. Je crois que les seules images qui étaient passées de l'Olympia, c'était des images d'actualité. Mmh. Et puis sinon, il y aura peut-être le télédimanche. Télédimanche, qui était l'émission de l'époque, dimanche après-midi, où Johnny chantait d'ailleurs en live, ce qui était souvent un grand moment. Et donc ça, on pourrait retrouver ça, oui. Mais on a déjà, les télédimanches, nous avons déjà dans les trois DVD sorties, il y a quelques années maintenant, parce que le temps passe. Mais oui, sur les meilleurs moments de télé, on va dire, de la carrière de Johnny. Dieu sait s'il en a fait d'important. Il y a beaucoup de vidéos qui sont incomplètes, donc on verra un jour, on aura peut-être un jour l'intégralité de tous ces petits trésors. Et bien justement, on parle de Johnny 67, donc voici le titre suivant, J'ai crié à la nuit. Alors J'ai crié à la nuit, c'est un titre qu'a écrit Long Chris, qui a composé Long Chris. Alors Long Chris, il en a écrit une quarantaine de chansons, en tout, 41, 42 je crois. Je crois qu'il n'y en a pas une qui est mauvaise. Quoi. C'était un songwriter formidable. J'ai pu entendre, grâce à toi, une interview passionnante qu'il a donnée à une radio, à un confrère. Oui, il est là, il est à l'écoute, Jean. Jean est à l'écoute. Bon, salut, parce que cette interview était passionnante et Longcris se raconte sa rencontre avec Johnny. C'est étonnant quand il parle de leur rencontre dans la patinoire, oui, et la façon dont Johnny lui a demandé s'il voulait bien être son ami. J'ai trouvé ce témoignage extraordinaire. J'ai eu la chance de rencontrer Longcris aussi, de dîner avec lui. C'est un personnage captivant, passionnant. C'est un homme extrêmement cultivé, passionné de peinture, passionné de littérature. C'est le spécialiste mondial du soldat de plomb. Est capable, oui, de te reconstituer un régiment de l'armée napoléonienne avec l'emplacement précis de chaque élément de ce régiment. Donc il m'a raconté au cours de ce dîner comment il avait écrit les paroles de Gabriel ou de Voyage au pays des vivants. Enfin, c'était vraiment passionnant. Et dans cette émission, il raconte très très bien. Et notamment, il raconte comment est né Gabriel. Et ça, c'est très intéressant parce que on raconte beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses, oui, beaucoup de bêtises. Mais il a rétabli la vérité. Mais c'est très intéressant. C'est pour ça. Merci donc, Jean. Il a écrit donc cette chanson formidable qui s'appelle J'écris à la nuit, qui est pas une chanson aussi très très connue. C'était pas la chanson. C'était aussi du que Dubois et Amour d'été, qui était le titre leader de ce 45 tours, ce EP, à l'époque on appelait ça comme ça. Mais je trouve qu'il y a dans cette chanson presque tout l'univers de Johnny, c'est-à-dire que il dit simplement je suis entouré de gens mais je suis tout seul. Et il y a une très belle production, il y a une dramatisation dans l'interprétation qui est extraordinaire, et j'ai toujours beaucoup beaucoup aimé cette chanson, donc j'avais envie d'écouter. Alors écoute tout de suite, J'écris à la nuit. Ils sont plus de 50 autour de moi. Je me sens comme perdu dans un désert. Sur leur échiquier, je glisse comme un pion. Alors que je croyais en être le roi. Et quand j'ai besoin d'un peu d'amitié, les visages se tournent et s'effacent. Lorsque je réclame un peu de gaieté sous leur sourire, je sens de l'intérêt. Quelquefois j'ai envie de crier à la nuit, emmène-moi. Petite fille, tu veux vieillir avec moi. Réfléchis, voudrais-tu être le miroir où l'on pourrait voir nos visages se froisser un peu plus chaque soir. Lorsque plus tard mon nom sera oublié, viendras-tu comme avant pour me parler? Désolé petite fille, je vivrai seul. Je préfère vivre vite et mourir jeune. Quelquefois j'ai envie de crier à la nuit, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi. Nous voici à nouveau sur RIG, comme d'habitude, comme tous les mercredis soirs de 22h à minuit, avec Jean-François Chenu. Et là, on va passer à l'année 1968, avec le titre « Je n'ai pas voulu croire ». Alors ça c'est, il faudrait que je parle dans le micro, oui, ça serait mieux. C'est bien, ça marche comme ça aussi. Alors, voilà un titre aussi qui n'est pas forcément un titre très très connu, c'est un des trois ou quatre titres, je crois que l'a écrit Eric Chardin. Tout à fait. Et c'est étonnant d'ailleurs parce que on n'imagine pas tellement Eric Chardin écrire ce type de chansons. Et là, on sent aussi une influence qui est celle de Jimi Hendrix à l'époque, qui évidemment influence beaucoup de Johnny. Et cette chanson avait prenait une dimension sur scène extraordinaire. La première fois que j'ai vu Johnny en 69, moi en live au Palais des Sports, c'est un des titres qui m'a marqué dans ce spectacle. Il l'avait aussi chanté dans un télédimanche en 68. Mmh. Donc, je crois qu'il finissait l'émission avec. C'était absolument incroyable. Il était à genoux. Il se donnait évidemment à fond comme toujours, mais il y croyait tellement, il la chantait tellement, il était tellement pénétré par cette chanson que c'est un titre qui m'a beaucoup marqué. J'ai toujours plaisir à l'écouter. C'est cette période qui est un peu particulière. Il y a un peu de tout en 68. Hein. C'est l'album le plus patchwork peut-être qu'il ait fait, si on peut appeler ça un album, parce qu'en fait c'est une compilation de titres qu'il a enregistré. On trouve un peu tous les styles, mais je n'ai pas voulu croire. Et puis au Pays des Aveugles aussi, qui était une composition de Mickey Jones et Tommy Brown, avait un style un peu particulier, très très très pop rock, très influencé par cette musique anglo-saxonne qui déferlait. Et voilà, donc j'avais envie de l'entendre, l'écouter, et je trouve que c'est un titre très très réussi. C'est un titre que j'adore écouter également. Bon bah écoute, voilà, plaisir, on l'écoute. Mais bien sûr, tout le temps. Vous voulez croire, Johnny Hallyday sur RIG et aussi avec Jean-François Chenu. Prochain titre que nous allons entendre, ce sera Quand l'aigle est blessé. Alors ça aussi, c'est un titre qui n'est pas forcément des titres les plus connus du répertoire de Johnny. En fait, c'était sorti sur un 45 tours qui avait cartonné, parce qu'il avait à tout casser. Bande originale du film qu'il avait tourné, le film de John Berry à l'époque, avec, comment il s'appelle, cet acteur américain. Il y avait Michel Serrault, d'ailleurs, dans ce film. C'est drôle. L'acteur me reviendra, il est malheureusement décédé, je crois, aujourd'hui. Et il y avait aussi, sur ce 45 tours, un hommage, un hymne à la moto, Arrêtez, la mémoire me fait défaut là, mais elle a tout cassé. L'autre titre, ça va revenir. Oui. Et puis il y avait cette chanson, cette balade que j'ai trouvée magnifique quand l'aigle est blessé. Johnny chante un aigle. Il a été quelques années plus tard incarné sur une pochette d'album de Pierre Billon qui s'appelait Quelque part un aigle. Mmh. Donc avec cet animal. Et quand je me suis intéressé à cette chanson, j'ai regardé qu'est-ce qu'il avait composé, écrite. Et alors c'est un nom qui m'est totalement inconnu, qui s'appelle, je crois, Jean Bernard. Alors j'ai cru au départ que c'était une faute, que c'était Jean Renard, mais en fait non, on m'a confirmé que c'était un dénommé Jean Bernard. C'est Jean Bernard, tout à fait. Qui avait écrit cette chanson, qui avait travaillé sur cette chanson. Et je trouve que Johnny la chante superbement. Il a une voix magnifique. Et je trouve aussi la chanson très émouvante. Et voilà, ça me fait plaisir de l'entendre. C'est Cheval d'acier, voilà, Cheval d'acier. Je cherchais le titre qui m'est revenu en parlant Cheval d'acier, qui était alors là vraiment un hymne à la moto, très évidemment omniprésente dans À tout casser. Oui. Mais quand l'aigle est blessé, très très belle chanson. Il y a aucune version live, je crois qu'il l'a jamais chantée sur scène. Mais voilà, bah, elle me fait plaisir. Mais c'est parti. Ne demande pas la raison, ne demande pas pourquoi. Le soleil était trop loin, le silence était si blanc. Et quand l'aigle est blessé, il revient vers les siens. Aujourd'hui, je reviens, je demande ton pardon. J'ai dormi dans le cimetière où s'éveille la famille. Une fille m'a jeté des pierres, ce n'était qu'une gamine. Et quand l'aigle est blessé, il revient vers les siens. Je demande ton pardon. Mes mains sont pourtant solides, elles se sont brisées sur le ciel. J'ai voulu connaître la haine afin de gagner sur l'amour. Et quand l'aigle est blessé, il revient vers les siens. Aujourd'hui, je reviens. Je demande ton pardon. Et quand l'aigle est blessé, ne revient-il pas vers les siens? Très très jolie flûte sur ce morceau. Et alors l'acteur dont on cherchait le nom, c'est Eddie Constantine. Bien sûr, bien voilà. Sûr. Heureusement que vous suivez, hein, les auditeurs et auditrices de RIG. Je remercie l'auditeur qui m'a envoyé un texto. Ah là ouais, mais il y en a qui suivent aussi. Ouais. Il y a, ça suit aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils mettent sur Internet? Non, vous dites rien. Et si vous avez une petite question, est-ce que tu es prêt à répondre des questions aux internautes s'ils veulent? Aucun problème. Avec voilà. Plaisir. Si je peux répondre, je réponds. Vous avez entendu. Ouais. Si vous voulez poser une question à Jean-François, vous pouvez le faire via le site Johnny de A à Z sur Radio RIG. Et on posera cette question en direct. Prochain titre, 1969. Alors, une révolution dans la production de Johnny, c'est ce fameux album qui n'a pas de nom, l'album sans nom, qui s'est appelé après l'album Rivière ou Trop petit pauvre ton lit. Et donc, il y a un premier 45 tours, un premier deux titres qui sort, parce que ça commence à être la période des deux titres. Et on sait qu'il a enregistré un album qui va détonner dans le paysage radiophonique français et musical. Enregistré à Londres avec Glyn Jones, l'ingénieur du son des Rolling Stones, avec son orchestre, avec Mickey Jones, Tommy Brown, mais aussi des musiciens, des grands musiciens anglais, dont Peter Frampton. Et on attend cet album avec impatience. Il y a un premier 45 tours qui sort avec deux titres, Rivière ouvre ton lit, et l'autre titre qui s'appelle Je te veux, qui est celui qu'on va écouter. Bon, je fais un choix, j'aurais pu prendre n'importe quel titre de cet album, parce qu'ils sont tous très très réussis. En fait, je vais te dire celui que je préfère, c'est Regarde pour moi. Mais je crois qu'on l'avait programmé dans une émission précédente. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai choisi Je te veux. Il y a son live. Je te veux, qui est une, un titre qui sur scène est déchiré. Johnny était absolument déchaîné sur ce sur cette, cette chanson. Il était allongé sur la scène. Il mimait un acte sexuel. Enfin, c'était vraiment, il y avait une tension absolument incroyable dans le palais des sports. C'était ton premier concert. C'était mon premier concert. Mais le titre, j'avais donc écouté avant parce que le 45 tours était sorti avant. Et je me souviens très bien que quand ce 45 tours est sorti, je suis allé à l'époque, il y avait des disquaires de quartier. J'étais l'acheter chez un disquaire, le disquaire de quartier. Il était rue de Longchamp, dans le 16e arrondissement. Et la fille qui m'a vendu ce disque me dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez tous à me demander ce disque. Vous n'êtes pas le premier à venir le chercher. Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? Et je lui avais dit, écoutez, vous verrez, vous n'avez pas tellement l'habitude d'entendre ça, tellement cette production était détonnée par rapport à tout ce qu'on entendait. Et il y avait donc sur ce titre, sur ces deux titres, en fait, des guitares extraordinaire. Il y avait un son qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre et une production. Johnny, à la fin de l'album, disait, j'espère que vous avez aimé le nouveau style de blues, alors blues ou rock, qu'on a créé pour vous. Et moi, j'avais adoré. Donc, Je te veux, c'est à la fois le 45 tours, dont je me souviens bien, et puis la chanson interprétée sur scène qui m'avait profondément marqué. Encore sur l'album, l'album Au Bandeau ou l'album Rivière au ton lit. Est-ce qu'on aura un jour cette version mixée par Chris Jones? Alors ça je sais pas s'il y avait eu un mixage effectivement qui avait été fait par un autre mixage différent de celui qui était sorti, et Jean-Yves Billet qui travaillait sur le qui travaillait pour Johnny chez Universal, chez Mercury, avait rencontré il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça, Glyn Jones dans les couloirs, et ils en avaient parlé ensemble, et Glyn Jones en souvenait très très bien. Il avait été envisagé à un moment de peut-être de reprendre ce projet, d'essayer de faire quelque chose. Bon, ça n'a pas été possible pour plein de raisons, mais il existe, je crois, 2-3 titres seulement de cet album où il y a des prises alternatives et qui pourront effectivement faire l'objet d'une sortie ou à l'occasion de quand cet album, on est en 2019 l'année prochaine, donc 50 c'est 50 ans, donc 50 ans d'album, c'est pas trahir un secret que dire évidemment Universal va travailler sur cet album l'année prochaine, ça c'est une certitude, et donc on aura peut-être ça sur cet album. Il y a deux auteurs qui rivalisent en fait dans des textes de grande qualité, qui sont Long Chris dont on a parlé et qui a écrit Je te veux, et Gilles Thibault qui est un des grands paroliers aussi de Johnny. Et j'en parle parce que le titre suivant qu'on va écouter, c'est Essayer, qui est l'album qui suit, donc l'album Vie, qui est sorti en 1970. Et Johnny va là travailler pour la première fois avec un nouveau parolier qui s'appelle Philippe Labro, et qui va lui apporter quelque chose de différent dans l'écriture, une écriture plus journalistique. En tout cas, Labro lui apporte des textes qui sont peut-être plus en rapport avec l'époque dans laquelle on vit. C'est un grand témoin, Labro. Il voyage, il va aux États-Unis, il voit plein de choses. Et donc, il traduit ça en chanson pour Johnny. Son premier 45 tours, enfin son premier titre, c'était Jésus-Christ. Il comparait Jésus-Christ avec les hippies. Ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Mais Essayer, c'est le premier titre de l'album Vie. J'ai adoré cet album quand il est sorti. D'abord, la pochette était absolument magnifique, avec une photo de Johnny prise pendant le tournage de Point de Chute, où ses yeux bleus ressortaient particulièrement. Tout donc, pochette absolument magnifique. Et un album assez avec des styles de musique très différents, puisqu'il y avait des morceaux avec de belles guitares, comme Le Monde Entier Va Sauter, Rendez-moi le Soleil, où le thème de la pollution était déjà abordé, il était précurseur, avec cette idée complètement folle et géniale du poème sur la 7e. Johnny qui déclame sur une musique de Beethoven un texte, c'était totalement lunaire à l'époque. Enfin, la première fois qu'il l'a fait, les gens l'ont vu à la télévision, c'était une émission le dimanche après-midi. Ça avait surpris beaucoup de monde. Moi, je me souviens de mon père qui détestait Johnny Hallyday, mais qui adorait la musique classique et notamment Beethoven. Quand il a entendu ça, il en revenait pas. comment c'était possible? Et donc cet album donc débutait avec Essayer, et je trouve que cette chanson est absolument magnifique. C'est une composition de Mickey Jones et Tommy Brown, qui sont les grands réalisateurs de cet album. Et Johnny a repris cette chanson en 2003 pour ses 60 ans au Parc des Princes. Ça faisait partie des moments forts de ce spectacle. Johnny reprend souvent des titres du passé, et en 2003 il avait choisi ce titre, et c'était vraiment un bon choix. Ils rendaient hommage à Mickey Jones et à Labro quand ils présentaient cette chanson, et le son de la guitare de Mickey Jones, la guitare sèche, est absolument magnifique. C'est une chanson que j'ai dû écouter je ne sais combien de fois, c'est peut-être un des titres que j'ai le plus écouté de tous les titres de Johnny. verres, ils l'ont gâché. Encore une fois, tendez les bras. Encore une fois, faut essayer. Johnny Hallyday à l'instant avec le titre « Que j'ai tort ou raison ». Oui, on a enchaîné avec un autre titre signé Philippe Labro, ben oui. Qui fait partie de l'album qui a suivi, c'est-à-dire Flagrant Délit, le magnifique Flagrant Délit. Il n'y a pas un titre acheté dans Flagrant Délit, tout est bon. Celui-là est pas celui qu'on écoute le plus souvent, c'était la phase B de Oh ma jolie Sarah. Mm-hmm. C'est une musique de Gary Wright. Et Gary Wright était vraiment c'est lui qui a donné à cet album cette personnalité. Il a travaillé beaucoup sur les arrangements, il a composé 4 titres, dont le titre éponyme Flagrant Délit. Et quand cette chanson a été diffusée dans l'émission de l'époque d'Europe 1, qui s'appelait Campus avec Michel Lancelot, je l'ai entendu pour la première fois et j'avais adoré ce son de guitare au début et puis la thématique que j'ai tort ou raison, c'est à moi de juger. Et voilà, je trouve que c'était bien de l'écouter. Ça fait partie de l'œuvre de Philippe Labro et de la collaboration de Philippe Labro avec Johnny sur Flagrant Délit, où encore une fois tous les titres sont vraiment bons. Et là, on va parler d'une autre collaboration. 1972, nous sommes sur l'album Country Folk Rock. C'est la rencontre de Johnny Hallyday et Michel Mallory. Alors, c'est effectivement on va écouter deux titres de cet album. C'est la rencontre avec Michel Mallory, rencontre essentielle, qui va avoir beaucoup d'influence sur toute la carrière à venir de Johnny. Et c'est l'incursion de Johnny dans le monde de la country. Avec 3-4 titres qui démarrent cet album, Ma main au feu, titre Joe La Ville et moi, et surtout Hello US USA, et puis un titre que j'adore qui s'appelle Joe La Ville et moi, qu'on va écouter, où Johnny parle d'ailleurs dans ce titre, il raconte une histoire et on se voit, c'est McAdam Cowboy quoi, enfin on s'imagine un film en écoutant cette chanson. Et je trouve le son, la production de cette chanson magnifique, et les instruments, les guitares sont d'une pureté absolue. Et l'autre titre qu'on va écouter, c'est une des dernières compositions du tandem Mickey Jones-Tommy Brown, parce que Mickey est parti, Tommy Brown est encore avec Johnny, il va encore lui proposer des titres, mais les deux ensemble vont signer Mon amour à Marie, qui est un titre que j'aime beaucoup, là aussi, parce que on est un peu dans le même univers que Joe La Ville et moi, c'est plus country rock, et en fait cet album, il n'a pas du tout marché, que Country Folk Rock, sorti en juin 72, juste avant la tournée du Johnny Circus, c'est un album qui n'a pas marché, et pourtant il y a des titres absolument admirables. Alors il y a cette partie country, et puis il y a aussi Sauvez-moi par exemple, qui est un titre magnifique qu'il a interprété en 79 au Pavillon de Paris, c'était absolument grandiose. Il y a aussi Tomber c'est facile, qu'il a ressorti des fagots pour sa dernière tournée, c'était une surprise incroyable. Voilà, donc il y a c'est une super production. Il y a un peu de titres qui sont un peu, on se demande un peu ce qu'ils font là. Il y a une version italienne de Essayer. Donc là à l'époque, je pense qu'il fallait essayer de travailler le marché italien. Enfin, c'était l'idée. Donc, on se demandait un peu ce que ça faisait. Même si la version était intéressante, il y avait un chorus de guitare qu'on n'avait pas eu sur la version originale. Et puis, il y avait le titre qui avait en fait été le premier single qui était sorti, qui était Comme si je devais mourir demain, qui ramenait un peu Johnny dans le domaine plutôt d'un peu de la variété, alors qu'il en était sorti. Et en fait, ce titre que je n'aimais pas trop dans sa version studio prenait une toute autre dimension quand il l'interprétait sur scène, où là, il était absolument déchirant, mais comme il sait faire, hein, à chaque fois qu'il interprète une chanson, c'est autre chose. Et donc, ce titre n'avait pas été un grand succès et n'a probablement pas aidé au succès de l'album, mais globalement, alors il y a aussi autre chose qui avait peut-être dont l'album a pâti, c'est la pochette où Johnny était très maquillé avec une chemise un peu bizarre. Bon, on n'était pas dans un univers ni country ni rock, voilà. Bon, mais sinon, dommage, parce que très bel album, et on va écouter ces deux titres, donc Joe La Ville et moi, et puis Mon amour à Marie. On commence, tu peux faire Joe comme tu veux, comme tu veux. La logique voudrait Joe La Ville et moi, et après Mon amour à Marie. Il n'y a pas de souci, il suffit de demander, tu es le chef ce soir de l'émission. Qu'est-ce que j'aime. J'avais un copain, il s'appelait Joe. C'était presque un frère pour moi. Ouais. On a grandi ensemble. Il habitait la ferme juste à côté de la rivière. Un jour, on en a eu marre de voir toujours la même forêt. Alors on a décidé de partir pour voir ce qu'était une ville. Quand je dis une ville, je veux dire une vraie ville, en béton. Et ça fait bien longtemps. Ouais. Et maintenant, je voudrais revoir. Je voudrais revoir tout ce que j'ai quitté. Les champs, la rivière et ma forêt. Et Marie. Oui, Marie. Oh, qu'elle était belle. Ma jolie Marie. Ça fait si longtemps. Si longtemps. Mais voilà comment. Voilà comment l'histoire a commencé. On avait bien, Joe et moi, 10 dollars chacun. Et l'adresse de nos deux filles. Dans un wagon à bestiaux, on a pris le train pour voir ce qu'était une ville. Pendant deux jours en roulant, on s'est préparé, tout en se cachant sous la paille. Quand on l'a vu, ce fut comme un coup sur le nez. Elle nous a pris dans ses murailles. Pour ne pas être un étranger ici, ce n'est qu'une question de prix. Les faux amours, les faux amis et le reste, tout ça se paye en arrivant. Les 10 dollars n'ont pas duré plus d'un repas. Les filles avaient changé d'adresse. Joe a failli se bagarrer 12-3 fois pour son accent et pour le reste. Pour ne pas être un étranger ici, ce n'est qu'une question de prix. Les faux amours, les faux amis et le reste, tout ça se fait en arrivant. On avait bien, Joe et moi, 10 dollars chacun et l'adresse d'une ou deux filles. Mais on n'a plus jamais retrouvé le chemin. Et on s'est noyé dans la ville. Mais on n'a jamais plus retrouvé le chemin. Et on s'est perdu dans la ville. Ouais, la ville. Est-ce qu'un jour, Dieu, j'aurai la chance de revoir près de la rivière. Marie, est-ce qu'un jour j'aurai la chance d'avoir une fille, un fils, et de pouvoir me retrouver entre les arbres de ma forêt, près de notre rivière. Loin de cette ville. Surtout, loin de cette ville. Le soleil se levait sur la rue sale et désertée. Quand je jetais un dernier regard, j'envoyais ma lettre en marchant avec le vent, disant mon chagrin en répétant que toujours me revient son nom. J'avais tort, elle avait raison. Je reviens la prier. tien. Dis-lui tu m'aimes de pardonner un coup, rien ne sera pareil. Je serai là quand le jour rencontre le soleil. L'oublier, qui donc oublie son passé, il est là qui vous suit sans arrêt. Et dans cette lettre sont mon cœur et mes regrets. Marie, c'est mon ombre à tout jamais. Son nom, j'avais tort, elle avait raison. Je reviens la prier, oui, de rester. Rapporte mon amour à Marie. Dis-lui que je reviens. Dis-lui bien que bientôt je serai là. Un amour me retient. Dis-lui tu m'aimes de pardonner un coup. Rien ne sera pas. Je serai là quand le jour rencontre le soleil. Le soleil se couchait sur la rue sale et désertée quand j'ai jeté un dernier regard. Loin était ma lettre, quelque part avec le vent, disant mon chagrin en répétant. Que toujours me revient son nom, j'avais tort, elle avait raison. Je reviens la prier, oui, de rester. Rapporte mon amour à Marie, dis-lui que je reviens. Dis-lui tu m'aimes de pardonner un coup, rien ne sera pareil. Je serai là quand le jour rencontre le soleil. Rapporte mon amour à Marie, dis-lui que je reviens. Dis-lui bien que bientôt je serai là, un amour me retient. Vous écoutez RIG et l'émission Johnny de A à Z, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Ce soir, je suis avec Jean-François Chenu, qui nous présente sa programmation. C'est la première émission qu'on fait ensemble, et il y en aura d'autres pour 2019, en principe. Ah, avec plaisir. Tu vois, on a passé deux titres où le prénom Marie est à l'honneur, et Dieu sait s'il se prévoit à compter dans la carrière de Johnny, puisque quelques années plus tard, Marie sera le titre d'un single qui sera le plus vendu de toute sa carrière. C'est de Gérald de Balmas. C'est pas fait exprès, en plus. C'est vrai que... Mais Marie est dans les deux titres. Et donc là, on va enchaîner avec, on progresse dans les années, avec 73, uh-huh. avec un album qui est un album que j'adore, peut-être mon album préféré. Il y a malheureusement un volatile qui est venu se glisser au milieu des chansons et qui n'a absolument pas sa place sur cet album, qui est un corbeau. Mais si tu retires le corbeau, et l'histoire de ce corbeau, je pense que tes auditeurs la connaissent, mais on peut la raconter, elle est marrante, parce qu'à l'époque, le directeur artistique de Johnny, c'est Jean Renard, qui est l'auteur de Que je t'aime, du fameux Que je t'aime. Et quand Michel Mallory et Johnny sont rentrés de Londres, très très contents du boulot qu'ils avaient fait, de ce qu'ils avaient enregistré, ils font écouter les titres et Jean Renard leur dit oh, ça va pas du tout, ça va pas marcher, mais heureusement j'ai le titre qu'il faut pour sauver l'album. Et donc il place le corbeau blanc dans l'album. Franchement c'était pas une réussite, tout faux, et ça relègue La musique que j'aime en face B du single qui est sorti, ce qui est une aberration. On sait ce qui est devenu La musique que j'aime dans le temps, et ce qui est devenu le corbeau blanc qui a disparu, il est devenu noir. Et donc hormis ce titre, Insolitude est un album que j'adore. J'aime tous les titres. Il y a des styles de chansons un peu différents. Il y a deux titres à la fin qui peuvent évoquer Elvis Presley. Entre autres, J'ai besoin d'un ami. Mm-hmm. Une chanson qui fait penser à Elvis. Et puis, on va écouter deux titres. Un qui est Le sorcier le maudit, qui est pas un des plus connus. Les plus connus, c'est Le feu, c'est Tu peux partir si tu le veux, c'est La musique que j'aime. Donc, Le sorcier le maudit, qui est en fait, une chanson qui a été inspirée par un film. Johnny et Mallory allaient beaucoup au cinéma ensemble. Ils ont vu un film sur ce vendeur d'élixir. Ça leur a donné, ça les a inspirés pour écrire cette chanson. Belle production avec des guitares aussi, là aussi, qui sont omniprésentes. Ils sont trois à se renvoyer la balle, on dirait ça, au tennis, mais avec une certaine rivalité qui donne une dimension particulière à la chanson. Et juste derrière, le premier duo que Johnny a gravé sur un de ses albums, parce qu'avant il avait enregistré avec Nanette Borkman un duo, mais qui était sorti sur un single de Nanette Borkman. Il avait fait Fleur de Raciné, et puis La maison H, Apprendre à vivre ensemble, oui. Qui était une adaptation de Space Captain. Un titre de Joe Cocker, et donc Johnny et Nanette chantaient ensemble sur ce duo. C'était très réussi d'ailleurs, j'avais beaucoup de duos. Ah oui, tout à fait. Mais le premier duo que Johnny a enregistré pour un de ses albums, il le fait donc avec Michel Mallory sur La prison des orphelins, qui est un titre que j'adore, un de mes préférés, un de ceux que j'ai le plus écouté. On est toujours dans cet univers, alors c'est pas l'univers de la prison, mais on n'en est pas loin. Et Johnny et Mallory ont chanté ce titre d'ailleurs à Bocuse en 74, quand ils ont fait le concert donc au pénitencier de Bocuse. C'est dommage qu'il n'y ait pas de belle version live de ce titre, parce que je pense que ça l'aurait mérité, et il aurait pu ressortir quelques années après, ça aurait été bien. Et donc, La prison des orphelins, j'ai une passion pour ce titre. Je trouve que les deux voix se marient merveilleusement bien. Et la style guitare, notamment, qui est présente, qui a été ajoutée en fait un peu au dernier moment, d'après ce que j'ai compris dans ce qu'on m'a raconté des enregistrements, donne aussi là un son particulier à cette chanson. Ça fait partie des très très belles réussites. C'est peut-être le duo le plus réussi d'ailleurs sur un album de Johnny, parce que après il a fait beaucoup de duos. Certains sont loin d'être inoubliables, hein, mais celui-là, je trouve que vraiment il tient particulièrement bien la route et la distance. Avant d'écouter la chanson, parce que sinon on va cumuler les questions, est-ce que tu es prêt à répondre à quelques questions? Si tu veux, oui. Peux, en tout cas. Si je peux. Une question de Rook. Même Rook, elle a posé plusieurs questions. A-t-on idée du nombre de disques studio à ce jour jamais sortis de Johnny? On revient toujours à en comptant ceux qui ne peuvent pas sortir pour des raisons de droit. Oui, alors ceux qui ne peuvent pas sortir, en fait, ils ne sont pas légion. Hein. Il y en a pas, très sincèrement et très honnêtement, mais je peux me tromper et je ne tiens pas la vérité, mais je crois qu'il y a très peu de titres studio qui peuvent sortir ou qui vont sortir. En fait, il y a eu deux grandes étapes dans les inédits, ce qu'on appelle les inédits de Johnny. Il y a eu la guitare en 93, où il y a eu pas loin de 70 inédits qui étaient sortis, je crois. Et puis il y a eu Johnny History, quelques années après, où il y a eu aussi beaucoup de titres inédits. Il y en avait 7 ou 8 qui étaient prévus, mais qui ne sont pas sortis pour différentes raisons, soit artistiques, soit pour des problèmes de droit. Donc ces titres-là, peut-être qu'un jour ils sortiront. Tout le monde sait qu'il y a un titre qui a été enregistré avec Michel Berger, qui n'est pas abouti, mais qui pourrait sortir en l'état, mais France Gall s'y est toujours opposé. Berger ne voulait pas que ça sorte, France Gall s'y est donc opposé par la suite. Est-ce que ça sortira un jour? Je sais pas, peut-être. On sait qu'il y a un duo avec Daniel Balavoine sur Je suis pas un héros, qui est plutôt réussi, mais pour le moment, les ayants droit de Daniel Balavoine n'ont pas souhaité que ça sorte. Peut-être qu'un jour ça sortira. Et puis sinon, il y a quelques titres, mais il y en a franchement pas beaucoup. Hein. Alors, je vais dire une dizaine, mais je peux me tromper. Hein. On peut-être retrouver des trésors sur des bandes perdues. C'est possible. Mais à ma connaissance, et encore une fois, je ne prétends pas détenir la vérité, ça c'est de l'ordre d'une dizaine. Deuxième question, merci pour ta réponse déjà. Deuxième question, toujours de Rook, hein, concernant les concerts de Johnny. Tous les concerts de Johnny sont filmés depuis pas mal d'années maintenant, et ne serait-ce que pour les diffusions sur écran lors de ces concerts. Ces images sont, je n'en doute pas, enregistrées. Peut-on espérer des montages pour la sortie en DVD de ces vidéos? Alors, là, il y a un exemple précis par rapport à ça. Il y a eu la sortie très récemment du concert du 11 septembre 98 au Stade de France, qui a présenté un double intérêt. C'est un concert qui s'est déroulé sous la pluie, donc qui offre un contexte tout à fait particulier. C'est un vrai concert-événement qui a marqué les esprits, qui a marqué l'histoire de Johnny. Donc, c'était tout à fait légitime que ça sorte. Et il y aura d'autres concerts qui, effectivement, sortiront, qui vont être liés à à un événement, à quelque chose. On va pas prendre, je pense, hein, mais encore une fois, c'est pas, ça dépend pas de moi, hein, j'ai pas de responsabilité à ce niveau-là. Bien sûr, on peut sortir, on peut peut-être trouver un concert de tournée qui présentera un caractère un peu particulier, mais en général, l'album sort, le disque sort, parce qu'il y a autour de ce concert quelque chose d'un peu événementiel. Mmh. Le concert sous la pluie était un événement. Donc oui, il y a des concerts qui vont sortir, qui sortiront en DVD et en son, hein, le combo c'est des DVD, parce que aujourd'hui c'est une nécessité compte tenu de l'étroitesse du marché, de la rentabilité des produits, etc. Donc pour répondre à la question, mais il faut pas non plus penser que tous les concerts qui ont été filmés. Alors attention, puis il y a toute une période récente qui n'appartient pas à Universal, qui est chez Warner, et donc eux peuvent aussi sortir des choses. Moi, j'aimerais qu'ils nous sortent le concert que Johnny a donné à Londres au Royal Albert Hall. Par exemple. Voilà, ça me ferait très plaisir. Mais j'en ai pas entendu parler. Je suis pas du tout sûr que ça soit dans les tuyaux. C'est vrai que jusqu'à présent, on a. Ce qui était dommage dans la période 2012, c'est que tous les concerts qu'il a fait à San Francisco, à Tel Aviv et tout ça, il y a aucune trace. À New York, au Beacon Theater de New York, où Mickey Jones est monté sur scène avec lui. Mmh. Franchement, on aurait aimé avoir des. Il n'y a pas eu de son, il n'y a pas eu d'image. Ouais, les seules images qu'on a pu avoir, c'était à la télévision, quelques secondes. Je trouvais ça un peu étrange. Voilà. C'est bizarre. Mais bon, je connais pas les raisons. En tout cas, pour la partie, qui précède l'arrivée de Johnny chez Warner, donc en 2005, je crois, en 2006. Oui, il y aura des concerts qui sortiront, à partir du moment où la qualité de l'image, où le son est bon et où c'est lié à un événement important. Merci pour ta réponse. Et puis, il y aura d'autres questions tout à l'heure. Ouais, juste après. On va écouter avant Johnny Hallyday 1973. Le sorcier, le maudit, et la prison des orphelins. À la prison des orphelins. Et mon chagrin. et l'herbe verte dans le grand champ est couverte de ciment. Et la fontaine, et la fontaine est asséchée. Notre plaine, notre plaine éventrée, car ils ont construit une maison sombre et grise en béton. Mon pauvre père, s'il vivait, en serait mort de regret. Sa pauvre terre, son dernier lit, là où la mère dort près de lui, c'est la prison des orphelins. Et moi son fils, moi qui n'avais rien que cette terre qui était à moi, j'ai grandi là dans l'orphelinat. Ma pauvre terre, le temps passé n'a pu me faire tout oublier. J'ai dans la bouche un goût amer dès que je touche un peu de terre. Qu'est-ce que j'aime cette chanson? Tiens, moi sur internet on me dit, sur le groupe Johnny de A à Z, on me dit mince, il n'y a que des bonnes chansons. Si les auditeurs sont contents, ça fait plaisir. Ah oui, ils sont contents, oui tout à fait. Hein. On m'a dit, voilà, de Jean-François, on n'a pas réussi à trouver une chanson nulle ou quoi. C'est dingue ça, ce ne sont que des joyaux. Petite question, quelle est selon toi la pire chanson de Johnny Hallyday? Ah oui, alors ça je vais te répondre tout de suite, c'est la chanson pour moi, c'est la chanson qu'il a fait pour l'équipe de France de football, tous ensemble. On est d'accord. Et puis on mettra après ici Bitsy Bikini. Mais au moins celle-là elle est marrante, tandis que tous ensemble c'est une catastrophe. Enfin je trouve. Ah non, c'est ça, voilà. Je suis tout à fait d'accord, je crois que c'est, j'ai fait un jour une émission, c'était le titre de l'émission, ouais. Le thème, fallait ou fallait pas, alors donc j'ai demandé aux auditeurs de faire un petit pouce en l'air comme César, si c'était bon, si c'était pas bon, c'était ça. Ouais. Mais c'est vrai que la pire chanson c'était fallait pas, il fallait pas faire cette chanson-là. Et franchement, Johnny, le football, c'était, je me souviens très bien, la première fois qu'il va au Parc des Princes voir un match de foot, c'était une catastrophe. C'était le match France-Bulgarie et c'est le match où on est éliminé du voyage aux États-Unis par un but à la dernière minute des Bulgares. C'était sinistre. Et un an ou deux après, il parlait de ça. Il dit oui, j'étais voir Paris Saint-Germain contre la Bulgarie. Ça tu le retiens. Toi qui aimes le football, bah oui, tu le retiens. Oui. Un supporter du PSG, je retiens, oui. Tiens, on me demande un challenge. Programmer un titre que les auditeurs ne connaissent pas. Ce sera pour la prochaine fois, ça. Ah, là, parce qu'on a fait cette programmation un peu en amont, donc là ils vont tout connaître. Je pense pas qu'il y aura de surprise. Mais bon, on essaiera de faire ça une prochaine fois. Oui, ça sera difficile parce que je pense que t'as des auditeurs qui sont des connaisseurs. Oui, tout à fait. Justement, c'était une petite parenthèse dans l'émission. C'est un nouveau rendez-vous que j'ai fait pour l'émission de Johnny de A à Z. C'est Antoine Decaune qui parle d'une chanson de Johnny Hallyday. Il parle un peu de la chanson Noël interdit. Ah, écoute, alors, pourquoi... là aussi, une chanson, un bon choix, en tout cas. Voilà, pourquoi ce choix? Je te l'ai proposé. Oui. C'est donc la chanson qui va terminer l'année 73, qui est très riche, hein, parce qu'il y a donc cet album Insolitude, puis il y a ses duos avec Sylvie Vartan. Mm-hmm. J'ai un problème qui est pas celui que je préfère, mais par contre, j'aime bien Te tuer d'amour, qui était la phase B. Et sur scène, ils étaient assez sensuels quand ils chantaient cette chanson. Mm-hmm. Ce titre de Jacques Ploquin, musicien de Johnny. Et puis donc la fin d'année, un petit 45 tours avec deux titres, Fou d'amour, j'aime pas trop, mais Noël interdit. Et Noël interdit, ce qui est, je me souviens très bien que la première fois où je l'ai entendu, il l'a interprété tout seul avec une guitare sèche dans une émission de télévision, Philippe Bouvard, qui animait les samedis soirs de la Une, oui, à l'époque. Oui. Et donc Johnny nous interprète cette nouvelle chanson avec tout seul avec une guitare. Et j'avais tout de suite accroché à la fois au thème, parce que je trouve que ça lui allait super bien, et à la mélodie que j'aime beaucoup, et une mélodie, et après avec l'habillage et tout en studio, qui aurait très bien pu être interprété par Elvis Presley. C'est le In the Ghetto de Johnny, peut-être. En tout cas, une chanson de circonstance, puisque Noël approche. Et c'est bien de penser à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un Noël heureux. On écoute Antoine Decaune avec sa petite rubrique L'Odyssée Johnny Hallyday avec la chanson Noël interdit. L'Odyssée Johnny Hallyday. Contrairement à d'autres, et ils sont nombreux, Johnny n'a jamais enregistré un album consacré à des chansons de Noël. Pourtant, ce ne sont pas les exemples brillants qui manquent et qui auraient pu l'inciter à le faire à son tour. Ne serait-ce que son héros, Elvis Presley, quasiment un spécialiste de l'exercice. Elvis en 1957. Des chansons de Noël, de nombreux rockers, y compris français, en ont enregistré, comme l'ami de toujours Eddie Mitchell, qui fait très fort en 1961 avec ce sublime twist du Père Noël. Si, si, sublime, je vous assure. J'ai un cadeau pour le Père Noël, lui descendra du ciel, il le verra devant ma cheminée, enveloppé dans le papier de Régis, j'ai de sa surprise, quand il sera ce que c'est un ilan. Qui frémira, il sera tellement étonné qu'il en restera bouche bée. Cadeau pour le Père Noël, un beau cadeau pour le Père Noël. Je vais vous dire ce que c'est, les amis. Une guitare qui fait beaucoup de bruit, et nous jouerons ensemble du twist toute la nuit. Allez, ma petite père, oh. Il est vrai que le style twist des chaussettes noires renouvelait agréablement un genre délicieusement désuet, symbolisé jusque-là par un certain petit Papa Noël. Non, pitié ! Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Insubmersible, indépassable, je me comprends, le classique de Tino revient nous hanter, littéralement, chaque fois qu'approche la date fatidique. Johnny aurait facilement pu relever le défi. S'il ne le fait pas, c'est probablement parce que Noël est une fête qui reste liée à l'enfance et que celle de Johnny n'a pas été classique. And children listen to hear sleigh bells in the snow. Non qu'il ait été maltraité, ni même malheureux. Mais Johnny n'a pas vécu le confort douillet des réunions familiales au pied du sapin pour découvrir les cadeaux arrivés pendant la nuit via la cheminée et déposés par petit Papa Noël. Quand Johnny chante sérieusement Noël, pour la première fois en 1973, c'est pour évoquer une fête triste, une fête sans joie, celle des enfants sans famille. Pour les orphelins, Noël est interdit. Johnny le chante et... ça vous file le frisson. C'est un Noël pour les enfants perdus, pour tous ceux qui n'y ont jamais cru. C'est un Noël pour les chiens sans collier, pour ce gosse de la rue que j'étais. Mais mon cœur d'enfant était déjà trop grand, et mes rêves emportés par le vent. C'est un Noël pour mes premiers copains oubliés au hasard des mauvais chemins. Une chanson pour ceux dont l'horizon est le mur sombre et gris des prisons. Noël de la nuit, mon Noël interdit. Je voudrais avec toi, oui. Auprès de ce feu qui brille dans tes yeux, je veux être un enfant heureux. C'est mon Noël, le premier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. Allez, on se donne rendez-vous l'année prochaine, Antoine. Merci. Prochain titre qu'on va écouter, ce sera du live Trop belle, trop jolie, extrait de l'album Je t'aime, je t'aime, je t'aime de 74. Oui, alors ça, c'est un live, c'est assez rare sur cette chanson. Parce que de captation officielle, il n'y en a pas. Donc, sur cette chanson, malheureusement d'ailleurs. Parce que c'était un titre qui, sur scène, avait une grande efficacité. Je l'avais entendu chanter notamment à Béziers. Mm-hmm. Quand il avait fait le concert avec Michel Sardou en première partie. Et c'est vrai que cette chanson, qu'il a composé, écrite par Michel Mallory sur l'album Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'était la phase B de Prends ma vie, qui a été un gros succès à l'époque, mais je préférais de beaucoup Trop belle, trop jolie. C'est un morceau qui remue bien, qui bouge bien, avec une production aussi intéressante, et sur scène c'était hyper efficace. On va l'enchaîner peut-être avec le titre suivant qui nous permettra de boucler l'année 74, qui est bien à sûr. Propos de mon père, titre écrit par Michel Mallory, qui était petite pépite que Johnny a ressorti en 2000 à l'Olympia, à la surprise générale, parce que je pense que si on avait fait un sondage et qu'on avait demandé à ses fans quelle chanson ils pourraient vous chanter, qui vous ferait plaisir, et que vous attendez à ce qu'ils chantent, personne n'aurait sorti à propos de mon père, qui était un véritable ovni à l'époque, et ça a été très émouvant. Et sur le concert de sa vie là qui vient de sortir, qu'on a essayé de retrouver l'esprit de ces concerts, on a voulu mettre deux ou trois titres qui sont des titres rares, qui sont pas des succès. Et on a pris celui-là parce que vraiment c'était une très très belle surprise quand il nous l'a proposé en 2000 à l'Olympia. Donc c'est aussi une composition de Michel Mallory. On est dans les 3 ou 4 années où le tandem Mallory Hallyday frappe très très fort. Bon, on écoute ça de tout de suite. Trop belle, trop jolie en live. Hallyday by Hallyday. Johnny en live. On va voir la musique. On l'envoie la musique sur la régie. et les années 70. Et par ici. Je l'ai inventé tout entier. Il a fini par exister. Je l'ai fabriqué comme j'ai pu. Ce père que je n'ai jamais eu. J'imaginais ma main d'enfant à l'abri dans sa main de grand. Je garderai la part du rêve. J'en referai toute ma vie. N'en parlez pas, n'y touchez pas. Qui ne le connaissait pas. Il n'y a qu'en moi qu'il l'ait vécu. Ce père que je n'ai jamais su. Non. Il est parti vers un horizon, vers l'oubli. J'imaginerai tout le reste. Et j'imaginerai sa vie. Il était mon premier secret. Qu'il existait. Et j'ai menti tant que j'ai pu. Pour ce père que je n'ai pas su. Oh, pour ce père que je n'ai pas eu. Ce père que je n'ai pas eu. Nous sommes dans le triptyque hein, rock des années 74 à 1975, là, de ces trois albums, excusez-moi. Avec, Rock and Slow, Rock and Memphis et la Terre Promise. Et la Terre Promise. On va aller sur les années 75, sur ces deux albums enregistrés à Memphis et à Nashville. Oui, juste avant, je trouve que la version live que tu nous as fait écouter de Trop Belle, Trop Jolie, c'était vraiment un vrai plaisir d'entendre. Et d'entendre jouer Rolling, ce guitariste était extraordinaire. Et là, sur cette chanson, ce qui produit, c'est magique, magique. Et donc, voilà des lives, des petites pépites que l'on aurait retrouvées. Ah ben, moi le premier, j'aimerais beaucoup pouvoir retrouver l'enregistrement du concert de Béziers, qui était diffusé par une radio. Donc, on cherche un petit peu d'où ça vient. Je crois que c'est France Inter. En tout cas, si des auditeurs ont la réponse, on est preneurs. Il y en a qui vont te le dire. On sera ravis de retrouver ce concert. On va enchaîner avec deux titres, un titre extrait de Rock à Memphis. Alors un album, un formidable album thématique rock'n'roll. Il en a fait deux, trois dans sa carrière, on va dire. Il y a eu des rocks les plus terribles en 64, il y a Rock à Memphis en 75, et puis on peut parler de Destination Vegas, qui était dans l'esprit, si vous voulez, un peu la même chose. Mais celui-là, enfin Rock à Memphis, moi c'est celui que je préfère des trois. Alors peut-être parce que j'étais pas né, ou en tout cas pas fan à l'époque des rocks les plus terribles, qui représentent un moment important pour les gens qui ont connu cette époque. Mais Rock à Memphis, quand il est sorti, j'ai pas arrêté de l'écouter, je crois, tous les jours. Et il y avait rien de mieux pour se mettre en forme le matin que de passer Rock à Memphis et de partir bosser après. On avait une pêche terrible. Alors les titres qu'on connaît, c'est évidemment Dégage, c'est La fille de l'été dernier, c'est un petit peu 37e étage qu'il a appris. Moi j'ai choisi un titre que j'aime beaucoup, qui est Jenny Jenny et ta sœur. Je trouve que le choriste de guitare est génial. Et puis Jenny Jenny, il a attaqué son medley rock'n'roll au Palais des Sports en 71 par ce titre. Donc j'ai une grosse un a priori très favorable. J'aime beaucoup ce titre. Donc c'est celui-là qu'on va écouter. Et puis pour l'album La Terre Promise, j'ai choisi l'histoire de Bobby McGee, qui est un titre de Chris Christopherson, qu'on connaissait bien par Janis Joplin. Oui. Et la version que fait Johnny est une version assez enlevée, assez rythmée. Je trouve qu'il est très réussi. Et là aussi, on se croit un peu dans un road movie. Et ça lui va comme un gant. Voilà un titre aussi qu'il aurait pu faire sur scène, je pense, avec une certaine efficacité. Mais en tout cas, un des très très bons titres de l'album La Terre Promise. Ce qu'il cherchait, ce garçon triste qui me ressemblait, on marchait sur les mêmes routes et les mêmes chemins qui vont là d'où personne ne revient. Oui, sur un camion d'orange, c'est là qu'on s'est rencontré. Il m'a donné la cigarette qui lui restait. Et l'amitié est comme une fleur qui fleurit au hasard. Je le sais maintenant, oui, qu'il est trop tard. Oui, on dormait la nuit dans les champs et les cœurs dans le vent. On mangeait de l'espoir et l'air du temps. Car on chercher la même chose, celle qu'on ne trouve pas. Tout était bien et c'était la vraie vie. La vie qu'on vivait, moi et Bobby McGee. Pourtant on ne se parlait presque pas, mais on se comprenait. Il prenait sa guitare et il chantait. Oui, et ce monde n'était plus le sien, et il le fuyait. Et dans son enfer, moi je le suivais. De cigarette en cigarette, quand il nous en restait, on refaisait le monde quand on voulait. On s'est perdu presque au hasard pour une fille de rien, qui était l'amour dont j'avais besoin. Ouais, la liberté, ça n'est qu'un mot quand on n'a rien à perdre. Et Bobby s'est perdu pour la chercher. Il me reste sa chanson pour me faire regretter tout ce que je croyais être la vie. La vie qu'on vivait, moi et Bobby McGee. Bobby Johnny Hallyday, à l'instant sur Antenne Érigée. Évidemment, c'est sa soirée dans l'émission Johnny de A à Z tous les mercredis jusqu'à minuit. Ça veut dire qu'il nous reste que 10 minutes. Non, non, ouais. on va durer un peu plus le plaisir. On va jouer des prolongations. Oui, oui, un petit peu. Un petit peu. Mais on n'aura pas le temps de passer tous les titres qu'on avait malheureusement, c'est bien dommage. C'est dommage, mais on recommencera. Il n'y avait que des bons. En tout cas, on va terminer là, cette décennie, en tout cas, magique, prodigieuse, 66-75, donc avec ce titre. Puis après, on va se balader dans les années qui suivent. Alors, il y a beaucoup de très bons titres, bien sûr, et c'est difficile d'en choisir. On va passer à une autre époque, on va abandonner un peu les années Mallory parce qu'elles se terminent à la fin des années 70, début des années 80. Après, il y a la période Pierre Billon et j'ai choisi un titre de cette période qui est peut-être celui que je préfère. En tout cas, je trouve assez réussi dans un album qui est inégal, je trouve, mais c'est Mercredi Matin. Mercredi Matin qui est nous ramène encore dans cet univers carcéral que Johnny affectionne et où il est très apprécié. Johnny revisite le Comte de Monte Cristo un petit peu avec cette chanson. Et donc je te propose qu'on écoute Mercredi Matin. Et pour une fois, en 82, Johnny Hallyday chantait pour la première fois dans une prison française. Oui, à Fleury-Mérogis, oui, absolument. Oui, donc, par contre, il avait chanté ce titre en playback. Peut-être parce que il l'avait pas répété. Je pense aussi. Alors, d'après toi, est-ce qu'on verra un jour en vidéo, en DVD, ce concert de Fleury-Mérogis? Écoute, j'en ai pas entendu parler, c'est pas dans les tuyaux. On sait jamais, hein. Mais... on ne sait jamais, voilà. Tu vois, voilà. Encore un truc. Il faut jamais dire non. De toute façon, j'ai appris, avec le temps, à pas affirmer les choses parce qu'on est souvent démenti, donc, mais je sais que ça existe. Mais c'est une idée de plus à creuser. Enfin, écoute, je sais pas si c'est tellement d'une grande qualité parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a des titres en playback, donc ça c'est pas quand même, c'est pas top. Ça. Surtout celle-là, c'est dommage. Et surtout que Johnny en playback, il est pas bon, on le sait très bien. C'est ça. Tout de suite, Mercredi Matin, Johnny Hallyday sur RIG. Le ciel était couleur argent. Je crois qu'il y avait une rivière. Je suis entré dans une forêt. C'était joli, les peupliers. Quelque part, une feuille est tombée. Et Samy m'a secoué parce que je ronflais plus de peupliers. Mercredi parler. Parfois je me joue le coup du tunnel, la lime à ongles, sans mettre sa presse. Mais je suis con en Edmond Dantès. Et ma fille de l'air, pas de l'air. Alors je me jette sur des pages blanches, un best-seller de la souffrance, du croustillant de la violence. Et puis je m'en fous d'écrire sa mise et pâlir, plus cribouiller. Mercredi, on va voir la télé. Avoir la santé, enfin façon de parler. Ici il y a des questions à ne jamais poser, du genre sa vie, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Ici il y a des parfums à ne pas se rappeler, sa vie. Ici y a certains mots à ne pas prononcer. Ces amis, je me ferai bien un café Calva dans un certain café tabac au coin de la rue des Martyrs. J'ai rêvé la nuit dernière. Complètement nue, elle était drôle, appliquée comme une prière. J'ai posé mes mains sur son cou, je voulais que le temps s'arrête. J'ai serré un peu trop. Et Samy gentiment m'a réveillé. C'est terminé. Mercredi qui dure 30 années. Faut avoir la santé. Enfin, façon de parler. Jean-François Chenu est l'invité de l'émission ce soir, Johnny de A à Z, pour cette dernière émission de l'année 2018. Et Jean-François nous fait une belle playlist, comme vous pouvez le souligner, sur la page Facebook Johnny de A à Z. Il te remercie tous, justement, de ce beau travail, cette belle programmation. Écoute, ça fait plaisir. On va essayer de terminer en beauté. Il nous reste pas beaucoup de temps. On est en train de regarder les titres qu'on va garder et pas garder. Alors écoute, je te propose deux titres. Un titre de l'album Ça ne change pas un homme. Mm-hmm. Une adaptation. Un texte de Philippe Labro encore, qu'on retrouve sur cet album et sur une musique de John Bon Jovi, avec notamment et surtout la participation de Richie Sambora comme guitariste, avec un son magnifique. C'est Cadillac Man, encore un peu un road movie aussi. Et puis on va enchaîner avec peut-être le plus beau blues que Johnny a enregistré, avec la musique que j'aime, bien sûr. Mais là, il l'enregistre dans la langue de Shakespeare. C'est sur l'album Rafton, c'est Dry Spell. Qui est une superbe composition du garçon qui a joué en première partie à Bercy en 95, le Canadien, son nom m'échappe, mais on va le retrouver. Guitariste aussi, Colin James, c'est vrai. Trouvé. Et donc je trouve, c'est le morceau que je préfère sur l'album Rofton, et je trouve que Johnny chante super bien, et c'est un vrai blues. Mais tout de suite, juste avant, Cadillac Man. Thank you.

creeping deep inside of me. Superbe Blues of Dry Spell. Belle programmation de Jean-François pour cette émission dernière de l'année, évidemment, de Johnny de A à Z. Et la dernière de l'année, et qui va malheureusement se terminer. Il va falloir qu'on, qu'on conclue cette... On va fermer la boutique. C'est deux heures dépassées, déjà largement. On va fermer le bar. Voilà, alors, écoute, pour terminer, je te propose deux titres. Un extrait de l'album Lorada. Oui. Qui est l'album que je préfère sur ces 20 dernières années, les années 90 et 2000. Vraiment, tu n'es pas le seul à y penser, à le dire. Hein, écoute, tant mieux, parce que c'est un album c'est un album de musicien, Lorada. Et, voilà, Boîte de Fonderie, et j'ai choisi Lady Lucille, qui est un titre, c'est un vrai rock, qui évoque en plus une personnalité, Lucille, et puis un titre de B.B. King, une guitare de B.B. King. Mm-hmm. Titre qu'il a fait à Bercy en 95 et qui était très efficace. Et puis, écoute, Johnny, on sait, avait l'art de reprendre et de magnifier les chansons, les grandes chansons du répertoire français, des grandes chansons françaises. Il termine souvent ses spectacles par des titres de Piaf ou de Brel. Mm-hmm. Moi, j'ai choisi pour terminer cette émission le titre qu'il a repris de Gilbert Bécaud, qui s'appelait Maintenant, parce que maintenant Johnny n'est plus là. Et moi, il m'avait bouleversé quand il avait chanté ce titre. Il le reprend, il se l'accapare, il en fait quelque chose d'absolument prodigieux. Et voilà, moi j'avais envie de terminer cette émission par cette interrogation. Et maintenant, sans Johnny. Exactement. Voilà. Que devient notre monde sans Johnny maintenant? Voilà. On le saura avec les années futures. Voilà. Voici tout de suite Lady Lucy, l'extrait de l'album Lorada, sorti en 95. J'entends des pas à la porte, j'entends les cris de la foule, les battements de cœur emportent, mes forces et mon sang qui s'écoulent. Oui, à quoi ça sert? Si trop souvent je t'appelle, si tu te lasses de moi, si parfois je suis infidèle, je n'ai jamais aimé que toi. Look at him! Hallyday by Hallyday. Johnny en live. On va mettre la musique. Johnny Hallyday, Stade de France 2009. Et maintenant. Maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? De tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que vous êtes parti, ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est tout petit. Mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Et même Paris, très peu d'ennui. Et toutes ces rues. Maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler, oui, des nuits entières. Et au matin, moi, je te haïrai. Chef cette émission, Johnny de A à Z avec l'invité de marque de l'émission RIG, Johnny de A à Z, c'est Jean-François Chenu. Merci Jean-François d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, c'était un plaisir et j'ai qu'une envie, c'est qu'on recommence. Ben parce oui. Qu'il y a encore tellement de pépites à écouter. Voilà, vous avez en entendu tout cas, j'espère que tes auditeurs ont été contents. Ils sont très contents, hein. Ils me demandent que tu reviennes l'année prochaine. Alors je reviendrai avec plaisir. Donc on va passer de bonnes fêtes, toi et moi. Ouais, hein. Bonnes fêtes Jean-François. Absolument. Bonnes fêtes à vous aussi. Tout le monde. Et on se retrouve l'année prochaine. À bientôt. Ciao, ciao. Merci encore Jean-François. Ciao. Ciao. Join me on N-R-I-G 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7.